Québec. Bienvenue à une autre édition de Webmusique. C'est l'édition du 4 novembre. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Un peu de musique gratuite. Donc, pour la prochaine heure, on va débuter avec deux artistes qui sont sur No Echo Records, une étiquette qui nous vient de l'Angleterre. On va débuter avec Puss, avec sa pièce Burden of Mob. Ensuite de ça, c'est BRO ou Bro, si vous préférez. C'est la pièce Record Head, donc Bro, qui nous vient de la Pologne. C'est ça, on débute avec ces deux artistes-là. Puis, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours visiter la page de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. On débute tout de suite avec Puss, la pièce Burden of Mob. We'll be right back. We'll be right back. C'était Bro, donc maintenant qui sont connus sous le nom de Half of Decibel. C'était donc la pièce Record Head, publiée sur No Echo Records. Également publiée sur No Echo Records, c'était donc, avant ça, c'était Puss avec la pièce Burden of a Mob. Puss qui nous vient de Londres, en Angleterre. Pour la suite de Web Music, c'est donc un groupe de la Russie publié sur Clinical Archives. Allez faire un tour sur Clinical Archives. Ils sont rendus à plus de 500 albums en téléchargement gratuit. Vous avez absolument tous les genres représentés sur Clinical Archives. Vous avez du hip-hop, musique expérimentale, post-rock. À peu près tout est représenté. Donc, vraiment beaucoup d'albums, toujours faits avec grand soin. Donc, allez faire un tour sur Clinical Archives. Ça vaut toujours la peine. Plein de belles découvertes à faire. Donc, je vais vous proposer un groupe donc russe, comme je vous disais, qui s'appelle Sybaritz. Je vous fais entendre la pièce Try Minute. Минуси. Donc, on va essayer ça. А теперь, дорогие друзья, для вас выступит оркестр зарубежного рока. Три минуты. De retour à Web Music, donc fait du bien un petit peu de musique tranquille. C'était Triminuté par le groupe russe Sybaritz, publié sur Clinical Archives. Pour la suite, je vous propose un artiste qui vient de l'Angleterre, c'est Batfinks. Il est distribué sur l'étiquette française Prout Records. Prout Records, une étiquette vraiment farfelue, ils ont toujours des trucs vraiment pétés. Souvent, ça donne dans le 8-bit musique expérimentale, toujours des albums, en tout cas moi, qui me font cramper à toutes les fois. Toujours vraiment intéressant ce que Prout Records a à nous offrir. Donc, ben, c'est ça, c'est une pièce de Bad Things. La pièce s'intitule Mrs. Beutel's Inn. C'est tiré de son album Stemma Tarnit. Donc, un album que je me tanne vraiment pas d'écouter. J'en découvre toujours à chaque fois que je les réécoute. Donc, ben, c'est ça, on écoute Bad Things à Web Music. We'll be right back.

Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. J'ai les saints patrons de la Couffaine qui me font des coups de téléphone. Ils sont encore à la station. Donc, ils voulaient une demande spéciale de Bon Jovi, mais malheureusement, ça ne fit pas dans le monde Net Audio. Donc, on s'essayera une autre fois. Peut-être un cover de Bon Jovi, version Net Audio. On va essayer de trouver ça pour une autre semaine. Donc, ce qu'on venait tout juste d'entendre, c'était Stranger, la pièce New Room. C'était tiré de leur EP Circles. Donc, Strangers qui viennent de Barcelone en Espagne. C'était publié sur l'étiquette russe Subwise. Avant ça, c'était Massimo Ruberti avec sa pièce Gas, tirée de son album Autour de la Lune. Comme je vous disais tantôt, c'est une trame sonore pour le livre de Jules Verne du même nom. On va poursuivre avec un artiste du Mexique qui s'appelle Koopa. Je vous fais entendre la pièce Perdido. C'est sur Vira Records. Puis, ouais, c'est ça, on écoute ça. Puis, je vous reviens tout de suite après la pièce. Ça fait toujours du bien un peu de 8 bits. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu à Web Music. Donc, c'était un artiste du Mexique du nom de Koopa. C'était sa pièce Perdido. C'était publié donc sur l'étiquette Vira Records. Pour la suite, une pièce quand même assez longue, on va conclure l'émission là-dessus. C'est donc une pièce de Synesthesia, c'est publié donc sur Mix Galaxy Records, une excellente étiquette qui nous vient de la Russie. Toujours des trucs qui sortent de l'ordinaire sur Mix Galaxy Records. Ça passe du techno, drum and bass, même musique acoustique, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vais vous faire passer la pièce Outness Part 2. Donc, on va se quitter là-dessus. Puis, je vous rappelle de vous rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusic.ca. Vous allez avoir la playlist et donc les liens pour télécharger les pièces de façon gratuite, gratuite et légale. Donc, ben, c'est ça. On se quitte sur la pièce de Synesthesia. La pièce s'intitule Outness Part 2. Tout de suite après, c'est La Croche-Oreille avec Jean-Pierre Gay et son équipe. Une émission en art audio. La seule émission en art audio, donc, dans la province de Québec. On se laisse là-dessus, puis je vous donne un rendez-vous à compter de 21h pour une autre émission de Web Music dimanche prochain.